Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le dimanche chandelant du 30 janvier 1972, le jour du Bloody Sunday. That little boy was shot when he was running away. He was just a little bit behind me when he fell. I heard the shot, I looked around, I saw him dying. You saw him? Yes. He didn't have a weapon? No, he had nothing. He was just a young boy, about 15. He was running. I was running too. Le père Edward Daly qui raconte comment il a vu mourir juste à côté de lui un jeune manifestant non armé d'à peu près 15 ans, abattu d'une balle dans le dos au moment où il fuyait l'attaque de l'armée britannique le jour du Bloody Sunday. Ce témoignage du père Daly est devenu célèbre, emblématique de cette tragédie survenue ce fameux dimanche chandelant du 30 janvier 1972. Parce que c'était peut-être la première fois que les médias ont pu saisir dans les îles britanniques des images de civils qui tombaient sous le feu de soldats pendant un temps de paix. L'armée britannique ont dit qu'ils ont répondu au fusil des terroristes. Mais moi, je sais que ce n'est pas vrai, parce que les gens qui étaient tués, je les connais. Il y avait un qui était mon voisin, il y avait un qui était dans ma classe à l'école, il y avait un qui habitait la maison où j'étais né. Et je sais qu'ils étaient tout à fait innocents. L'ex-député nord-irlandais au Parlement britannique John Hume, juste avant lui l'historien irlandais Brian Fitzpatrick sur cette musique de U2. Les deux hommes, qui vous l'avez entendu, témoignent de la violence, de l'injustice également, dont ont été victimes les 13 manifestants tués le jour du Bloody Sunday, le 30 janvier 1972. Pour nous parler de l'importance de cet événement dans l'histoire d'Irlande, mais du Royaume-Uni tout entier, mon invité est l'historien James Jackson. James Jackson, vous avez enseigné à la littérature française pendant plus de 25 ans au Trinity College de Dublin. Bonsoir, M. Jackson. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de raconter ce qui s'est passé, cette fameuse date du 30 janvier 72, un mot quand même d'abord pour nous dire, de votre point de vue, pourquoi cette histoire, ce jour du Bloody Sunday, cet événement est si important dans l'histoire d'Irlande? Parce que c'était le premier grand événement traumatisant pour la communauté catholique, pour une partie de l'Irlande du Nord, qui avait d'abord regardé l'armée comme des défenseurs, qui étaient venus les défendre contre les exactions de la communauté protestante. Et ce jour-là, ils se sont rendus compte que non, que même au Royaume-Uni, l'armée britannique pouvait tuer d'autres Britanniques. Les fusils de ces soi-disant défenseurs se sont tournés contre ceux qu'ils devaient protéger. C'est un peu ça, au fond. C'est ça. Ouais. Voilà, donc c'était la première fois. C'était impensable que ce soit contre des Gallois, des Écossais, des Anglais, des mineurs. Donc, il y avait toujours des problèmes de l'ordre social. Alors, pourquoi les catholiques en Irlande du Nord étaient différents? Et ça, les Britanniques ne pouvaient pas comprendre. La population britannique était abasourdie quand ils ont regardé à la télévision, en direct, ces événements se dérouler sous leurs yeux. Ouais. Et ça, c'est évoqué par l'historien Brian Fitzpatrick qu'on vient d'entendre. C'est vrai que ça fait partie du retentissement que ça a eu. On a vu les images, des photographies, mais il y a des images, c'est documenté, ce fameux père Daly qu'on voit agiter son mouchoir. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Factuellement, qu'est-ce qui se passe le 30 janvier 72? Ben, le 30 janvier, c'est-à-dire, il y avait une organisation qui défendait les droits civiques. C'était le NICRA, de Northern Ireland Association Civic Rights. Donc, c'est NICRA organisé, mais il fallait demander à l'IRA, hein, l'IRA provisoire, la permission parfois d'organiser des manifestations, des marches pour les droits civiques. Et pourquoi les droits civiques n'étaient pas respectés? Parce que le gouvernement britannique avait instauré l'internement. Mmh. Des gens qu'on soupçonnait, hein, mais sans preuve, on les mettait en prison, dans les camps. Un petit peu ce que, pour faire un parallèle avec la réalité canadienne, cet internement, c'est un peu la loi des mesures de guerre qu'on a eue ici. Et c'était des mesures de guerre, pratiquement, que le gouvernement avait décidé d'instaurer. Donc voilà, l'internement, sans procès. Et c'est simplement un soupçon. Un juge pouvait dire, ben voilà, c'est telle personne, voilà, internée. Donc, cette organisation organisait des parades, en fait, des marches pacifiques. Mm-hmm. On avait l'habitude de ces marches. Depuis 68, partout en Europe, on a eu la même chose. Des gens manifestaient pour les droits civiques. Et en Irlande du Nord, à partir de 68, on a dit, ben voilà, c'est maintenant notre tour. Donc, c'était organisé pour ce dimanche, 30 janvier. Mais le problème, c'est que ça s'est déroulé à Derry. Donc, à Derry, il y avait des quartiers, des bastions. Hein, ça, c'est depuis ce qu'on appelle la bataille du Bogside, c'est-à-dire les catholiques, pour se protéger contre la police de l'Irlande du Nord, avaient créé une sorte de ghetto. Hein, ils avaient érigé des barricades. Donc, ce jour-là, le 30 janvier, l'armée britannique avait interdit cette marche. Mais les manifestants ont dit, ben non, c'est notre droit de manifester pour nos droits. Donc voilà, on passe outre cette interdiction. L'armée érige elle-même des barricades. Et la marche commence donc à l'hôtel de ville et se dirige vers ce quartier. La ville de Derry, c'est la deuxième ville de l'Irlande du Nord, est divisée en deux communautés. Rive gauche, catholique, le Bogside, rive droite, les protestants. Et depuis toujours. Mais la majorité des citoyens sont catholiques. Donc ce jour-là, la marche commence l'après-midi de l'hôtel de ville, de Guildhall, hein, qui se dirige vers le Bogside et vers des immeubles. Et l'armée veut interdire cette marche. Alors, pendant que la marche arrive vers le quartier catholique, on voit des barricades. Certains jeunes, hein, des adolescents, commencent à jeter des pierres contre ces barricades, essayer de les escalader, mais sans succès. Et c'est à ce moment-là. Donc, est-ce que c'était une émeute? On aurait pu instaurer l'ordre. Mais ce jour-là, on avait décidé d'envoyer un régiment de parachutistes, dont la réputation n'était pas bonne. Ces parachutistes avaient l'expérience dans d'autres conflits, mais ce n'était pas une bonne décision d'envoyer ces gens, hein, qui, des brutes parfois, contre une marche pacifique. Alors, ils commencent. Alors, cette première mort dont on a entendu un extrait, il croyait, le père d'Eli croyait que c'était un jeune garçon de 15 ans. En fait, il avait 17 ans. Oui. Comme la plupart la majorité des gens ce jour-là, c'était des jeunes. Des jeunes, mais vraiment des jeunes. Adolescents ou 21, 22 ans. Et non armés, ça on le saura après. Tout ça, c'est oui. Donc un jeune. Alors c'est consternation. L'ordre arrive du commandement, du quartier général, hein, cessez le feu. Malheureusement, l'armée continue à tirer. Et tire sur une vingtaine de personnes, des victimes ce jour-là. 12 autres personnes sont mortes ce jour-là. Ouais. Donc, un garçon de 17 ans, après 12. Et 3 mois plus tard, 14e victime. Ouais. Donc 14 personnes ont été tuées à cause de cette marche pacifique. L'armée donc a mal discipliné. Est-ce que c'était la faute du colonel, lieutenant-colonel qui avait dans l'ordre? Est-ce que c'était la faute des soldats qui croyaient affronter des indigènes africains et indiens? On ne sait pas. Mais ça va vite. Et ça va fait vite, que 10 minutes. Ça dure 10 minutes. Après 10 minutes, l'armée charge, commence à tirer, les jeunes s'enfuient. Oui, ils étaient touchés dans le dos. Les gens couraient en partant. J'enfuis l'armée. Ils fuyaient, bien sûr, parce qu'ils entendent les balles. Avant, c'était en fait pour décourager les premiers manifestants qui essayaient d'escalader les barricades, il y avait des canons à eau, il y avait des gaz lacrymogènes, il y avait même des balles en caoutchouc. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, c'était des balles réelles. Ça va avoir, James Jackson, ce dimanche chandelant, un impact déterminant pour la suite des choses en Irlande du Nord, chez les catholiques, auprès de la communauté catholique, pour l'IRA aussi. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage que j'avais réalisé en 2012 au moment du 40e anniversaire du Bloody Sunday. Vous allez entendre John Gallagher, qui est professeur de français à Derry. Il avait 12 ans au moment des événements. Et l'historien de l'Université de Sherbrooke, André Poulin. C'était le choc. Tout le monde avait un air complètement bouleversé. On n'a pas du tout compris ce qui s'est passé. Mélangé avec le choc, il y avait un grand, grand colère. Et je connais depuis des gens qui, pour moi, c'était des gens sages, des gens intelligents. Mais ce jour-là, ils m'avaient avoué après qu'ils avaient voulu se joindre à l'IRA tout de suite, sur le coup. Parce que c'était un colère énorme contre tout ce qui s'est passé. À Derry, ce que les gens ont vu, c'est même lors de la soirée du Bloody Sunday, des jeunes qui allaient vers les locaux de l'IRA pour s'enrôler. On en voyait des centaines. L'essentiel de la population catholique ne fait plus confiance aux Britanniques. Le geste posé lors du Bloody Sunday pour eux, c'est une déclaration de guerre, non pas contre l'IRA, mais contre l'ensemble de la communauté. Donc, pour la communauté catholique, ça a été l'indice que les gouvernements ne voulaient pas leur accorder l'égalité qu'ils demandaient, que dans le fond, on voulait les maintenir en état d'infériorité et que l'armée était prête à utiliser la force pour le faire. Pour les catholiques, c'est devenu un événement qui justifiait par la suite la prise d'armes. À partir de ce moment-là, c'est clair qu'on ne voit plus aucune solution politique. C'est la perte de confiance totale des catholiques et surtout le désir de revanche de la part des jeunesses dans les quartiers catholiques, surtout des quartiers ouvriers, qui vont vouloir se joindre par centaines dans l'IRA. À la fin de l'année 1972, juste pour la ville de Belfast, on parle de plus de 1500 jeunes hommes dans l'IRA. Moment charnière, James Jackson, que ce Bloody Sunday, que ce dimanche chandelant. Vous êtes à Birmingham au moment des événements. Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là de ce qui vient de se passer et de ce que ça représente comme tournant? Bien sûr, parce que ça passe. En fait, c'est depuis 69. En regardant, j'avais commencé mes études de français à l'université en 68. Donc, pratiquement tous les soirs, on regardait le journal télévisé. Tous les soirs, il y avait toujours ce qui se passait en Irlande du Nord. Mais bien sûr, que ce soit à Belfast ou à Derry. On était conscients, bien sûr, de tout ce qui s'est passé. On voyait ça en direct. Les photographes, les journalistes, tout le monde était là et tout le monde était en faveur de ces droits civiques. Mais là, on savait charnière, oui, parce que c'est ce jour-là, on ne pouvait pas passer sous silence la mort en direct des gens. En fait, ça a renforcé l'aliénation qu'éprouvait la population catholique, et ça depuis la division de l'Irlande. Donc, il faut remonter en 21-22, c'était les deux grandes villes, Belfast. On avait choisi les 6 comtés où les protestants étaient majoritaires pour rester au sein du Royaume-Uni. On a bien sûr les catholiques. Au moment de l'indépendance de l'indépendance de l'Irlande en 1922. Ouais. Donc, depuis si longtemps, sauf que leur voix, personne n'écoutait la voix de ces catholiques. Personne. Donc, dire que voilà, ils se sentaient bien à l'aise en Irlande du Nord, non, c'est faux, Les catholiques, ils savaient la discrimination, que ce soit le travail, le logement, dans la police de l'Irlande du Nord, 98% protestante. Donc, les catholiques pouvaient pas se sentir vraiment à l'aise chez eux en Irlande du Nord. Donc, c'est comme, en 68, ça c'était l'occasion, un peu partout, en France, aux États-Unis, les droits civiques. Et là, il disait, voilà, on va commencer à manifester pour avoir, pour exiger ces droits. Et la riposte du gouvernement britannique, par l'intermédiaire de l'armée, c'était la violence et la mort. Ouais. Et ça, c'est ce qui a créé, en fait, une vraie, vraie rupture psychologique traumatisante entre les deux communautés. Ouais. Et ça a duré 30 ans. Donc, en fait, c'est en quelque sorte une guerre civile qui a duré 30 ans. Mmh. Si on donne 68 à 98, c'était 30 ans. Ouais. Mais c'est un moment important pour deux raisons, me semble-t-il. On l'a évoqué, l'armée britannique qui tue ses citoyens. Et d'autre part, pour l'IRA, cette affaire-là, c'est un moment important aussi parce que y a une mobilisation tout à coup. C'est le recrutement. Une radicalisation. C'était le recrutement facile. Oui, exactement. Et ça va être important pour la suite. Oui, parce qu'on pourrait dire que voilà, même l'IRA provisoire était plutôt moribond. Mais à partir de là, c'était facile. Les gens, comme on vient d'entendre, le soir même, des jeunes allaient se porter volontaire. Ouais. C'était sans problème. Il suffisait de leur montrer, ben voilà ce qui s'est passé. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que même le gouvernement de Dublin envoyait des armes. Un ministre du gouvernement, M. Hawke, qui est devenu Premier ministre après, était impliqué dans cette tentative d'envoyer des armes. À l'IRA. Vous étiez, quelques années plus tard, mais c'est le début, c'est pas le début, mais c'est un moment fort dans ce qu'on appelle les troubles, les grands troubles. Vous allez être à Dublin, à Trinity College, quelques années plus tard, et ça continue, ces troubles-là. Comment ça se vit? Parce que il y a dans les milieux universitaires des sympathisants, justement, oui, de l'IRA. Comment ça se vit? Comment vous vivez ça, vous, de votre université à Dublin? J'avais des étudiants qui étaient, j'en suis sûr, qui étaient membres de l'IRA. Une fois, j'entre c'était un séminaire. Je vois une de mes étudiantes, elle était plus âgée que les autres. Elle lisait le journal de l'IRA, Anfablucht, devant moi. Je croyais qu'elle lisait. Non, elle avait écrit l'article le plus important de ce journal. C'est elle qui l'avait écrit. Ouais. Et j'ai vu après. En fait, elle est toujours sympathique avec moi. Elle croyait que je comprenais. Mais même, je savais, à un moment donné, j'enseignais Voltaire, et à un moment donné, il critique des protestants, et il critique des catholiques irlandais, dans un de ses écrits. Elle était furieuse, cette femme. Mais moi, j'étais catholique. Alors, pour revenir, trois semaines après la fusillade, après les 13 morts à Derry, à Aldershot, dans le sud de l'Angleterre, c'était la garnison, c'était le quartier général des parachutistes. Une voiture piégée a explosé, tuant 5 femmes qui travaillaient aux messes, et l'aumônier catholique de l'armée des parachutistes, quelqu'un que je connaissais, parce que j'ai fait le petit séminaire. J'avais chanté à son ordination, il s'appelait Jerry Weston, le père Jerry Weston de Liverpool, et quand j'ai regardé, trois semaines après cette fusillade, j'étais devant le journal télévisé de la BBC et je vois la photo de quelqu'un que je connaissais dans ma jeunesse. Victime, il n'était pas visé, simplement. Ouais. Malheureusement, il arrivait juste au moment où la bombe explosait. Ouais. Et ça va durer évidemment des décennies. La version officielle, ce sera... On a répondu, l'armée a répondu à une attaque. Il y a eu un coup de feu d'abord qui venait du côté des manifestants. Ça, ce sera la version officielle. Ça prendra des années et des années. Il y aura une grande commission, la commission Saville, qui va siéger pendant plus de 10 ans. Tout de suite après les événements, donc, on dit c'est une réponse de l'armée à un premier tir. Cette version officielle va durer des années jusqu'au moment à la publication des conclusions de la commission Saville, où, geste important, le 15 juin 2010, David Cameron, le premier ministre, va s'excuser. But what happened should never, ever have happened. Ce qui est arrivé n'aurait jamais dû arriver. Les familles des victimes n'auraient jamais dû vivre les souffrances du deuil qu'elles ont vécu. Certains de nos soldats ont mal agi. C'est le gouvernement qui emporte la responsabilité. Et c'est au nom du gouvernement et du pays tout entier que je présente mes excuses. Indeed, on behalf of our country, I am deeply sorry. Ces excuses, James Jackson, qui arrivent en 2010, de quelle manière elles seront importantes? C'est toujours important pour un gouvernement qui était responsable depuis tant d'années d'avoir défendu une enquête judiciaire qui était bidon. C'était pas une bonne enquête. Ça, c'était le Widgery, là, qui a duré un mois, quelques jours après la mort de ses victimes. Et pendant de longues années, chaque premier ministre conservateur a défendu ce qui s'est passé. Chaque fois que le Parti travailliste voulait dire, ben là, il faut ouvrir cette enquête au gouvernement, que ce soit Major ou les autres premiers ministres. Il n'y a pas besoin. Donc, finalement, c'était un autre parti. C'est Tony Blair, d'ailleurs. C'est Tony Blair qui a demandé une commission d'enquête. Oui, mais ça a duré. Ça, c'est en 98. Ouais. En janvier 98, il a donc sélectionné Lord Saville. Et ça a duré 12 ans. Et cette fois-ci, au lieu... La première fois, c'était à Coleraine, là où la majorité était protestante. Cette fois-ci, c'était au Guildhall, à Belfast. Et c'était 12 ans. Et ça coûtait dans les 300 millions de dollars canadiens, l'équivalent. Donc, c'était important pour... En fait, c'était pas suffisant encore aujourd'hui pour les familles de ces victimes. Si un gouvernement, un premier ministre britannique vient s'excuser, c'est pas suffisant parce qu'il y a... C'est quoi la justice? Quand on parle de cet événement, il y a la justice vérité, vérité morale, c'est-à-dire ces victimes étaient toutes innocentes. Il n'y a aucun soupçon. Ouais. Mais il y a aussi la justice rétribution. C'est-à-dire, il faudrait peut-être poursuivre les personnes qui étaient responsables ce jour-là. Et c'est ce qui va se passer. Vous pensez? Je pense parce qu'il y a juste en novembre dernier, la police de l'Irlande du Nord a arrêté un soldat âgé maintenant de 66 ans qui était présent, qui était un des témoins pendant cette enquête judiciaire de Saville. Et là, on se demande s'il y aura d'autres mises en accusation de ces soldats. Ce que demandent certaines familles des victimes, parce que les excuses du Premier ministre Cameron, quand même, ont fait que les marches commémoratives se sont un peu essoufflées. Il y a eu comme un geste de reconnaissance important, je pense, pour les Nord-Irlandais en 2010. Mais effectivement, il y a des gens qui veulent plus, qui veulent voir certains soldats traduits en justice. Mais il faut le mettre dans le contexte aussi. Cameron, oui, certes, mais aussi la reine est allée à Dublin. Et là, elle a posé une gerbe devant le monument aux morts, qui commémore la mort de tous les Irlandais dans les guerres. Quand la reine elle-même se rend à Dublin, devant le gouvernement, devant le drapeau irlandais, ça, c'était les deux ensemble, je crois, que pour l'avenir de la paix, dans les deux parties de l'Irlande du Nord, l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Ouais. Ça, c'est très important. James Jackson, historien, professeur de littérature française pendant 25 ans au Trinity College de Dublin. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Jackson. Je vous en prie. Merci. C'était un plaisir pour moi aussi. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.